Embaucher sans embûche, c'est encore possible? Comment être plus vert sans être dans le rouge? Ou trouver de bonnes informations sur les formations? Être chef d'entreprise, c'est se poser beaucoup de questions. Avec le mouvement des entreprises de France, vous n'êtes jamais seul pour y répondre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur medef.com. La science CQFD, Natacha Triou. Dans le monde, chaque année, 1,7 milliard de personnes sont concernées. Pourtant, elles ne font jamais l'actualité. Comment redoubler d'efforts pour lutter contre les maladies tropicales négligées? L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en dénombre une vingtaine. Ces maladies n'ont pas grand-chose en commun, si ce n'est de toucher les populations les plus défavorisées. Les communautés les plus vulnérables, dans 150 pays, la majorité africains. Elles sont qualifiées de négligées, car elles ne sont pratiquement pas prises en compte dans l'action mondiale en faveur de la santé, et on constate une quasi-absence de recherche pour ces maladies. Maladies tropicales négligées, les invisibles. Élise Ouédraogo, bonjour. Bonjour. Vous êtes infectiologue et dermatologue spécialisée en maladies tropicales à la Pitié-Salpêtrière. Nous sommes en ligne également avec Laurent Marsollier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en microbiologie à l'INSERM, spécialisé sur l'ulcère de Bourouli. Et Philippe Solano, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'IRD et directeur d'une unité de recherche sur les maladies tropicales négligées basée à Montpellier. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct de France Culture et merci à vous pour votre écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter pour notre live tweet, riche de sources d'articles et d'études, c'est dès maintenant @sciencesqfd. Jusqu'à 17h, nous parlerons des raisons pour lesquelles certaines maladies sont dites négligées, pourquoi certaines intéressent relativement peu la recherche, et nous parlerons des difficultés pour lutter contre ces pathologies et des différentes approches pour réussir à les éradiquer. Dans l'ensemble, elles restent peu connues, mais on commence avec la plus célèbre d'entre elles, la lèpre. C'est notre archive du jour en 1954. Actuellement, dans cette grande bataille de la lèpre qui se livre dans le monde, la France, et très spécialement l'Afrique équatoriale française, est au premier plan et remporte une victoire qu'on peut qualifier de sensationnelle. Et je voudrais bien qu'on pensât que je n'exagère point les termes et que je mesure mes mots, mais aussi bien pour les justifier, deux chiffres seront suffisants. En 1951, en AEF, on soignait 2268 malades. Au 31 octobre 1954, on en soignait 70 000, 35 fois plus. Nous estimons qu'en AEF, il y a environ 100 000 malades, et nous pensons qu'à la fin de cette année, 90% d'entre eux seront soignés. Comment? Parce que nous disposons maintenant d'une thérapeutique telle qu'avec deux injections par mois, deux injections de sulfone retard, le malade est correctement soigné et dans une grande majorité de cas, en une année de traitement rendu absolument non contagieux. Par conséquent, il est inutile d'enlever le malade à sa famille, à sa tribu, à son village. Voilà Raoul Follet-Rao, hein, à propos de la lutte contre la lèpre en Afrique équatoriale française. Laurent Marsollier, une réaction à ce qu'on vient d'entendre? Je crois que ça résume un petit peu la situation des maladies tropicales négligées. C'est qu'il faut beaucoup d'efforts, c'est très long à traiter, à guérir, et surtout, souvent, c'est une maladie qui est liée à l'exclusion, et c'est bien ce que dit Raoul Follet-Rao dans son petit reportage, c'est si on améliore la prise en charge de ces maladies, on va éviter d'écarter, de stigmatiser les malades. Quoi. Voilà, je pense que ça résume très bien la situation. Élise Ouédraogo, vous aussi, votre réaction à cette archive de 1954? Je pense que ça traduit exactement ce que on vit encore pour la lèpre, c'est-à-dire que persistent des foyers, et je dirais même un foyer, même en France, en Guyane, où il y a encore des cas de lèpre, c'est pas du tout anecdotique, et aujourd'hui encore, de nos jours, on se retrouve dans cette même situation où on essaye de traiter le plus de malades, en essayant de leur apporter la meilleure prise en charge, avec quand même une épidémie qui... continue quand même de nous échapper parfois avec des suivis compliqués. Oui, c'est que la lèpre est encore présente dans plus de 120 pays. Philippe Solano, la lèpre fait partie de ces maladies tropicales négligées, mais qu'est-ce que l'on regroupe sous ce qualificatif plus précisément? Natacha, je crois que vous l'avez bien dit, hein, Ces maladies tropicales négligées, finalement, c'est une liste de 20 maladies qui sont dues à des agents pathogènes très variés. Vous, on trouve donc des bactéries, hein, comme pour la lèpre. On trouve aussi des virus, vous connaissez la rage. On trouve des parasites dans la trypanosomiase ou les leishmanioses. On trouve aussi des champignons et puis même des morts dues aux envenimations, donc aux morsures de serpents. Donc ça fait vraiment une liste de 20 maladies qui mises ensemble touchent actuellement plus d'un milliard 700 millions de personnes, je crois que vous l'avez dit également, dans environ 150 pays. Et au-delà de peut-être de ce constat un peu alarmiste, ça veut bien dire qu'il faut surtout pas les oublier, parce que derrière c'est des gens, c'est des populations. Mais on a aussi des bonnes nouvelles, et je crois que on peut se réjouir que petit à petit, des succès existent, et on a actuellement plus de 40 pays qui ont éliminé au moins une maladie tropicale négligée à ce jour. Et si on arrive à continuer tous ensemble les efforts. Et vous savez que c'est compliqué dans un contexte où il y a beaucoup d'autres menaces, mais je veux dire, c'est la seule condition grâce à laquelle on arrivera à aller au bout de l'élimination de ces maladies qui finalement confèrent aux droits de l'homme, hein, parce que ces populations ont le droit de vivre sans des menaces que sont des maladies terribles comme la lèpre, comme la trypanosomiase ou des maladies super stigmatisantes et qui ont également des impacts qu'on sous-estime complètement sur la santé mentale et sur plein d'aspects pour ces populations. Laurent Marsollier, pour compléter hein, sur ces maladies, hein, ces maladies qui comptent dans cette liste. Oui, je crois qu'elles ont des points communs, c'est qu'elles sont quand même, les conséquences sont communes, c'est que ça a des conséquences très graves sur la santé humaine, ça a une morbidité, une mortalité très très importante, il ne faut pas l'oublier, et surtout, donc c'est à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective, c'est aussi des pertes de revenus, de travail, de possibilités de travail, donc les conséquences sur ces maladies sont quand même très très importantes, et je pense qu'on les sous-estime tout à fait, comme dit Monsieur Solano. Et par exemple, à titre d'exemple, les personnes qui sont touchées par ces infections sont souvent rejetées par la communauté, etc. Donc on se retrouve dans un système de d'exclusion très important. Finalement, ce qui les relie, Elise Ouédraogo, c'est que ces maladies ont surtout en commun, ce sont ces conséquences sociales et économiques. Est-ce qu'on peut un peu revenir justement sur ces conséquences sanitaires, sociales et économiques de ces maladies, ces impacts ? Eh bien, dans ce groupe de maladies, il y a quand même certaines qui ont une traduction dermatologique, donc qui sont visibles pour le patient et également pour la communauté et donc l'entourage du patient et qui sont déjà de fait forcément stigmatisantes et parfois même associées dans l'imaginaire collectif malheureusement au VIH qui est une maladie stigmatisante et aussi parfois même à une des associations, en tout cas au sein des populations locales, avec parfois une visualisation, parfois une association à la sorcellerie ou à ce genre de choses. Et donc c'est sûr que ça peut effectivement engendrer de la stigmatisation, de l'exclusion. Enfin, souvent, et il y a certaines de ces pathologies, je pense entre autres à l'ulcère de Bourouli, atteint des enfants ou en tout cas des jeunes qui, dès le très jeune âge, seront confrontés parfois à un handicap, des amputations dans les cas les plus graves, qui vont gréver non seulement le pronostic, on va dire, d'insertion professionnelle et même sociale au sein de la communauté. Effectivement, pour des gens très jeunes qui sont déjà handicapés et amputés, ça va parfois être difficile de pouvoir travailler dans ces pays où la majorité des professions sont souvent manuelles et avec une difficulté à parfois juste s'insérer socialement. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on a du mal à prendre en compte, en tout cas, et cette échelle de morbidité doit être mise à jour au vu des pathologies, de chaque pathologie qui sont effectivement différentes. Mais c'est vrai que beaucoup de ces pathologies ont une traduction dermatologique et ça joue aussi sur, l'image de soi. Et ce que disait tout à l'heure le professeur Marsollier, c'est sur, aussi sur forcément les conséquences d'insertion sociale. Oui, la stigmatisation. Je me tourne à nouveau vers vous, Laurent Marsollier, puisque vous êtes spécialisé sur l'ulcère de Bourouli, qui reste vraiment très peu connu. Est-ce que je peux vous demander aussi de compléter sur quels sont les impacts de l'ulcère de Bourouli? Alors, comme disait tout à l'heure notre collègue, c'est vrai que ça touche essentiellement les enfants de moins de 15 ans. Donc le traitement est souvent très long, ça mérite une hospitalisation de plusieurs mois, même si ces dernières années, il y a eu des succès en antibiothérapie qui permettent de diminuer le temps de traitement. Mais souvent, l'hospitalisation se fait à distance du foyer. La maman est obligée d'accompagner cet enfant qui est malade, mais souvent, elle vient avec ses autres enfants. Donc vous imaginez les conséquences pour toute la famille, il y a perte de scolarisation des enfants, etc. Donc perte aussi du revenu pour le logement, pour la famille, pardon. Donc ça, ce sont les conséquences à l'échelle de la famille. Mais bien sûr, à l'échelle du malade, c'est très compliqué parce qu'il y a souvent des séquelles qui restent. Ça peut aller jusqu'à l'amputation, mais souvent de graves cicatrices. Et là, généralement, ça pose un problème d'après d'insertion dans la population, surtout quand on est une jeune fille. Voilà, qu'on a déjà un handicap physique ou quelque chose apparenté, c'est compliqué pour l'insertion. Voilà. Et sans parler qu'après, quand on perd de l'usage d'un membre, c'est dans le cas dans l'ulcère de Bourouli, c'est souvent qu'on a des problèmes de perte d'usage du membre et donc on peut difficilement travailler. Voilà, c'est vraiment le drame de cette maladie. Philippe Soleno, là on parle de l'ulcère de Bourouli qui concerne essentiellement l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, mais aussi qu'on en trouve en Amérique du Sud. Il y a aussi une petite épidémie en Australie. Pour revenir sur ces maladies tropicales négligées, où sévissent principalement ces maladies? Je crois que vous l'aviez, oui, effectivement, vous l'aviez dit en introduction. Alors, beaucoup en Afrique, mais pas seulement, en fait. Et je crois qu'il faut avoir cela à l'esprit, c'est que ces maladies tropicales négligées, elles existent partout dans le monde. Environ plus de 140 pays ont au moins une maladie tropicale négligée. Ça concerne aussi l'Europe. Je crois que notre collègue Élise l'a rappelé tout à l'heure, y compris la France. Pour certaines de ces maladies. Alors, les territoires d'outre-mer, nos territoires d'outre-mer, c'est une partie des zones atteintes, mais aussi notre France continentale et ses voisins de la Méditerranée, dans lesquels on peut trouver de la leishmaniose, par exemple. On a rapporté aussi des cas de bilharziose il y a quelques années en Corse. Enfin, bref, donc, c'est pour dire que avec plus de 140 pays concernés, c'est une répartition mondiale. Et encore une fois, c'est vraiment important de s'en préoccuper pour ne pas négliger de potentielles réémergences de demain. Et c'est là-dessus qu'il faut, je crois, continuer à tous travailler avec les programmes nationaux des pays endémiques dans lesquels sévissent ces maladies, qui sont la cheville ouvrière et les premiers réellement à pouvoir intervenir. Et puis nous, en tant que chercheurs, on se doit de faire notre maximum aussi pour adapter nos recherches pour permettre de trouver des solutions à ces maladies et apporter des diagnostics, des traitements, regarder tout ce qui se passe au niveau de l'environnement. Et puis, certaines de ces maladies, vous savez, sont transmises par des insectes vecteurs, par exemple. Donc, il faut aussi garder ça à l'esprit. Et puis, il faut tous les acteurs pour permettre de pousser les efforts au bout, y compris ceux qui fournissent des diagnostics, ceux qui donnent des médicaments, et bien sûr, ce qui donne des fonds pour permettre de mettre tout le monde ensemble et que les recherches puissent réellement aller jusqu'au bout et permettre de soigner finalement tous ces malades et toutes ces populations. Philippe Soleno, je reviens sur ce terme, maladie tropicale négligée. Depuis quand ce terme existe? Et puis, pourquoi ces maladies sont-elles qualifiées de négligées? On pourrait en parler pendant des heures, mais je crois qu'on n'aura pas le temps. Donc je vais vous faire un court résumé. La vérité, c'est que en fait, ce sont des maladies tropicales des populations négligées. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu difficile à faire entendre politiquement. Donc voilà, je crois que l'OMS, qui est quand même le regroupement de tous les pays dans le monde, a donc donné cette définition de maladie tropicale négligée pour permettre quand même d'attirer l'attention sur ces maladies et sur ces populations finalement et de faire en sorte, encore une fois, de mettre ensemble les acteurs qui pour continuer à s'y intéresser. Et, vous savez, dans le contexte dans lequel on est, c'est pas forcément facile pour des équipes de recherche de continuer à s'intéresser à un sujet qui apparaît négligé et qui ne fait pas l'actualité, à l'exception de votre émission. Et on vous en remercie. On vous remercie de nous donner l'occasion d'en parler. Donc voilà, je crois que garder cette capacité, alors en France et dans l'espace francophone, de continuer à faire des recherches sur des maladies qu'on appelle négligées, je crois que c'est important. Je crois que c'est d'autant plus important au moment où la France est en train de rédiger la stratégie française en santé mondiale. Et effectivement, on voit bien que garder cette capacité de faire des recherches qui ne sont pas forcément celles qui sont le plus dans la lumière, finalement, c'est aussi un acte de responsabilité et une certaine vision du futur. Hein. Voilà. Justement, vous parliez des difficultés. Quelles sont-elles, hein? Quelles sont les difficultés à travailler sur ces maladies? Qu'est-ce qui rend la lutte contre ces pathologies compliquée en termes de santé publique? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. h 16 sur France Culture avec Élise Ouédraogo, Laurent Marsollier et Philippe Solano. Nous parlons de maladies tropicales négligées, des maladies qu'en Occident on remarque peu. Nous venons de voir ce qui les caractérisait. À présent, quelles sont les difficultés à travailler sur ces maladies? Élise Ouédraogo, l'un des problèmes majeurs, c'est le manque de connaissances sur ces sujets. Oui, tout à fait. Parmi ces maladies tropicales négligées, il y en a certaines et dont on parfois on ne sait même pas exactement quel est le mode de transmission, ce qui rend la lutte contre justement l'incidence de cette maladie difficile. Ensuite, la deuxième chose, c'est que nous n'avons pas dans le cadre des études de médecine une formation qui est vraiment dédiée à ces maladies tropicales négligées. Et c'est vrai que pour se former, il faut souvent sortir un petit peu du parcours traditionnel, aller se former dans d'autres pays ou en tout cas dans d'autres contrées, et surtout ce qui est aussi difficile, c'est que les patients concernés connaissent une certaine errance. C'est-à-dire que souvent, ils viennent une première fois consulter un médecin. Le diagnostic n'est pas toujours fait. Et puis, ça progresse. Et finalement, ils sont adressés parfois et parfois pas toujours dans un centre de référence. Mais néanmoins, pour que le diagnostic soit fait, il faut avoir tombé sur un clinicien qui puisse penser à cette pathologie. Il faut avoir un laboratoire de microbiologie qui puisse avoir les éléments, enfin le matériel microbiologique pour faire le diagnostic. Et enfin, la dernière problématique, c'est que une partie de ces pathologies sont traitées par des médicaments qui ne sont pas forcément monnaie courante. Et donc, même quand le diagnostic a lieu typiquement en France, eh bien, parfois, pour obtenir certains médicaments, ce n'est pas des médicaments qui sont couramment dans les pharmacies de ville et parfois même pas dans les pharmacies hospitalières. Et donc, on est parfois confronté aussi à cette problématique. Laurent Marsollier, pour compléter ce que vient de dire Élise Ouédraogo sur la problématique de la méconnaissance de ces sujets. Bien discuter de nous que nous rencontrons sur ces maladies tropicales négligées, c'est de trouver des personnes intéressées, des jeunes, que ce soit des chercheurs ou des médecins sur place, enfin, dans les zones endémiques. Par exemple, parce que les chercheurs, comme disait Philippe Solano, c'est comme ce sont des maladies négligées, on n'en parle pas beaucoup, c'est pas tellement, donc il n'y a pas tellement intérêt à travailler sur ces maladies parce que le nombre de possibilités sont rares. Et puis, il en est de même pour les médecins. Par exemple, si on parle de l'ulcère de Bruch, que je connais un petit peu, c'est que ça touche des zones rurales très reculées de l'Afrique, et trouver des médecins qui sont capables d'aller vivre plusieurs années, parce qu'il faut une certaine stabilité, un certain suivi médical sur place, c'est compliqué d'écarter les médecins pour leur évolution de carrière quand ils sont jeunes. C'est vraiment très compliqué. Et dans la plupart des universités, même en Afrique, les maladies tropicales ne sont pas enseigné. Donc il y a une méconnaissance complète et un désintérêt complet de la communauté scientifique, enfin complet, j'exagère évidemment, scientifique et médicale. Donc ça, c'est le premier problème. Et après, tout le problème, c'est le problème des diagnostics, etc., au plus près des malades. Et nous, par exemple, nous avons, avec la Fondation Folro, nous avons créé un laboratoire en plein cœur d'une zone endémique qui permet de faire le diagnostic de l'ulcère de Bury, entre autres. Et pour ça, ça a été vraiment une révolution pour les, pour l'équipe médicale, parce que ça permet de prendre en charge très rapidement les malades. Voilà. Oui, c'est un laboratoire qui est au Bénin, si je ne dis pas de bêtises. Au Bénin. Laurent Marsollier, ce que vous dites finalement, c'est que la méconnaissance de ces maladies entraîne d'une part une absence de formation et des erreurs de diagnostic sur le terrain. Tout à fait, tout à fait. Comme le personnel, enfin, médical, peu ou pas formé, eh bien, ils ne connaissent pas ces maladies, et dans ce cas, on passe à côté. Et en plus, on dispose rarement d'outils diagnostiques utilisables sur place, c'est-à-dire au plus près des malades. C'est pour ça que dans certains cas, nous avons créé carrément un laboratoire de diagnostic au cœur d'une zone endémique. Voilà. Et pour améliorer cette connaissance, par exemple, nous, avec le Bénin, on nous envoyait maintenant des internes avec du CHU d'Angers se former pendant plusieurs mois au cœur d'une zone tropicale où il y a beaucoup de maladies tropicales négligées, pour les sensibiliser. Voilà ce que nous réalisons à notre échelle. Élise Ouédraogo, vous pouvez vous aussi en rebondir sur justement cette absence de moyens de diagnostic de terrain rapide. Il est vrai que c'est une grande difficulté, surtout que effectivement, souvent sur la présentation initiale de certaines de ces pathologies peut parfois vraiment ressembler à un simple ulcère qui peut être d'origine autre qu'infectieuse, et donc on a des patients qui pour déjà d'une part avoir fait le déplacement jusque au centre de santé, s'ils repartent avec un diagnostic qui n'est pas le bon, ça ne fait que retarder encore la prise en charge. Et il est vrai que l'implantation de laboratoires d'expertise sur place est déjà la solution pour la première pierre de l'édifice, c'est-à-dire faire le bon diagnostic au bon moment pour ensuite mettre en place le bon traitement. J'imagine ensuite que la suite, le suivi, c'est aussi quelque chose de compliqué. Le suivi, effectivement, est souvent difficile. D'une part, il faut obtenir une certaine adhérence du patient au traitement, qui est parfois discuté. Et puis surtout, si à partir du moment où un traitement a été mis en place, il faut pouvoir le suivre, non seulement l'observance, c'est-à-dire le fait que le patient prenne bien son médicament comme prescrit, et d'autre part aussi la tolérance de ce traitement, être sûr que ce traitement soit bien toléré, et ce qui parfois est difficile, puisque comme le disait tout à l'heure le professeur Marsollier, parfois on doit hospitaliser des patients, et d'ailleurs c'est ce qui est souvent souhaitable. On parle de l'ulcère de Bury, mais ça peut arriver aussi pour le mycétome. Une fois que le patient est hospitalisé, ça veut dire pour la personne qui est hospitalisée, donc si c'est un enfant, c'est le parent aussi qui va être impliqué, ça veut dire que le parent va arrêter de travailler et de s'occuper de ses autres enfants pendant cette période-là. Et dans le cas inverse, où le suivi se ferait en ambulatoire, ça implique des allers-retours réguliers pour voir le médecin prescripteur, et ce qui rend les choses dans des zones précaires avec des difficultés de déplacement. Il y a des zones où vraiment il faut faire 20 ou 50 kilomètres à pied, en pirogue, pour pouvoir avoir un centre de santé, pour pouvoir effectivement être traité dans un centre de santé. Ça rend les choses parfois difficiles, et parfois encore plus difficiles que le diagnostic. Oui, ça illustre à nouveau l'impact socio-économique de ces maladies sur les populations touchées. Philippe Solano, la méconnaissance de ces maladies, c'est aussi dû au manque de chiffres sur les sujets, au manque de surveillance épidémiologique, il me semble. Oui, je voulais dire que je passe aussi tout à fait à ce que viennent de dire les collègues, de cette description de la réalité. Elle existe aussi pour d'autres maladies, bien sûr. Je pense à la maladie du sommeil, la trypanosomiase humaine africaine, ou d'autres encore. Et je voulais aussi ajouter que, au-delà de ces difficultés-là qui ont été citées, il y en a une autre, une supplémentaire qu'on pourrait appeler celle qui est due à la rançon du succès. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des succès. On arrive quand même à, grâce à des nouveaux outils de diagnostic, de traitement, en travaillant tous ensemble avec les programmes de lutte dans les pays, on arrive à faire baisser la maladie. ou les maladies. Mais le problème, c'est que quand on travaille bien, eh bien on nous dit, vous voyez, cette maladie n'est plus un problème, donc les priorités vont être différentes. Or, si encore une fois, si on ne pousse pas jusqu'au bout ces efforts, ce serait la pire des choses parce qu'on préparerait les réémergences de demain. Donc c'est vraiment le message, ce message de pousser au bout les efforts d'élimination. L'OMS a fait une feuille de route pour chaque maladie tropicale négligée. On sait jusqu'où on doit aller, soit en termes d'éradication ou d'élimination ou de contrôle, qui sont des objectifs différents. Et on l'a bien vu, les difficultés pendant la période Covid, pour ne pas la citer. Je veux dire, on s'est trouvé quand même confronté, et les populations et les programmes de santé des pays, à des blocages complets. Parce que certains fournisseurs de diagnostics ou de traitements ont vu leurs priorités complètement bousculées et on leur disait maintenant vous faites du Covid. Bon, mais ça c'est la réalité, hein. Voilà. On va alors, revenir dans Philippe, certains contextes. Philippe voilà. Solano, on va revenir en effet sur ces questions-là. Je lâche pas ma question en épidémiologie. Est-ce que pour bien comprendre, pour bien prendre en charge ces maladies-là, est-ce qu'il existe des systèmes de surveillance épidémiologique de qualité? Parce que ça aussi, ça peut avoir un impact sur la compréhension et la médiatisation, et la prise en charge de ces maladies, même des intérêts financiers. Enfin voilà, ma question n'est pas n'est pas dénué d'intérêt, Philippe Solano. D'accord. Alors, je peux vous parler de ce que je connais le mieux, c'est ce qui se passe en trypanosomiase humaine africaine. On a réellement, effectivement, un système de rapportage des cas donc par les programmes de santé qui les rapportent annuellement à l'OMS. Nous, en tant qu'IRD, par exemple, on est centre collaborateur de l'OMS et on essaye aussi de suivre ces efforts et de les accompagner lorsque c'est nécessaire. Donc, on a un suivi que je qualifierais plutôt de bon, à condition de pouvoir garantir que les équipes médicales puissent avoir accès au terrain, finalement, et donc puissent aller voir les populations, se déplacer. Donc c'est aussi une question de moyens, hein, il faut pas se le cacher. Et c'est aussi une question de ressources humaines dans ces pays qui puissent continuer d'être dédiés à ces maladies. C'est pour ça que je fais le lien avec ce que je vous disais sur la rançon du succès et donc les difficultés de continuer d'avoir des ressources humaines et d'avoir des moyens, même lorsque les programmes marchent très bien, en fait. Hein. Parce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut bien comprendre aussi quand on parle de maladies tropicales négligées, c'est que ce ne sont pas des maladies orphelines. Laurent Marcelier, il existe pour beaucoup de ces maladies des traitements. Le problème, là encore aussi, c'est l'accès aux soins. Ah oui, déjà on ne peut pas parler de maladies orphelines parce que le nombre de cas est quand même très important. C'est plus de 1 milliard de personnes, ce que vous avez dit en début de reportage d'émission, que c'est plus d'1 milliard de personnes qui peuvent être touchées par ces infections. Donc non, ce ne sont pas des maladies orphelines, ce sont vraiment des maladies, dire méconnues, peu connues et de désintérêt. Voilà. Et pour la plupart de ces maladies, enfin pour un grand nombre de ces maladies, il y a des médicaments qui existent. Là, je rebondis encore sur le salburi, je suis désolé, parce que je connais un petit peu. Il y a un traitement antibiotique antiamoral qui existe. Le problème que l'on rencontre maintenant les zones endémiques, c'est diagnostiquer les patients au plus tôt pour éviter les stigmas, qu'il y ait des handicaps permanents, etc. Mais la plupart des traitements arrivent et un problème aussi, c'est de livrer à temps, au bon moment, les médicaments. C'est vraiment, maintenant, c'est des problèmes logistiques sur lesquels nous sommes confrontés. Elisa Ouedraogo. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Effectivement, il y a pour beaucoup des traitements qui existent, qui sont parfois pas si onéreux que ça. Je pense à la rifampicine qui peut être utilisée typiquement pour la lèpre et qui est utilisée en Afrique de manière assez fréquente pour la tuberculose. Après, effectivement, il y a plusieurs problématiques. Avoir en stock le médicament au moment où le patient se présente et pouvoir suivre non seulement la prise du traitement et également de ses effets secondaires. L'autre problématique quand même concernant les traitements, alors je pense malheureusement qu'il existe aussi, c'est que quand même dans ces contrées où effectivement il y a ces maladies tropicales négligées, il y a aussi parfois des faux médicaments et du trafic de médicaments. Et c'est vrai que ça peut encore compliquer les choses. Mais c'est vrai que le fait d'avoir dans les centres de santé, même isolés, des médicaments en stock permettrait une meilleure prise en charge, une meilleure observance de ces patients. Par rapport à la problématique de l'accès aux soins, on y reviendra en deuxième partie d'émission. On continue, on ne les remarque peu, elles ne provoquent pas de flambées explosives qui attirent l'attention, elles ne se propagent pas au niveau international, elles ne tuent pas en très grand nombre et ne touchent pas les pays riches. Après cette balade rock tropicale, on vous dit pourquoi c'est une erreur de penser que ces maladies ne nous concernent pas. Get out while you can, there's only one door. I met you here the last time, and you're back again for more. I don't know what to say to you, you never take commands. You're better than I thought you were, my fate is in your hands. Oh, from the belly of the beach, from the famine to the feast. Tropical Disease de Band of Skull à 16h32 sur France Culture. Nous parlons de maladies tropicales négligées en compagnie de nos trois invités. Élise Ouédraogo, infectiologue et dermatologue spécialisée en maladies tropicales à la Pitié-Salpêtrière, avec Laurent Marsollier, chercheur en microbiologie à l'INSERM, spécialisé sur l'ulcère de Bourouli, et avec Philippe Solano, directeur de recherche à l'IRD et directeur d'une unité de recherche sur les maladies tropicales négligées. Nous venons de définir ensemble la gravité de ces pathologies, leurs impacts socio-économiques et la difficulté de travailler contre ces maladies. Laurent Marsollier, malgré la gravité de tout ce qu'on vient de décrire, pourquoi ces maladies tropicales négligées intéressent relativement peu la recherche ? C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure dans l'émission, c'est que comme elles sont négligées, méconnues, elles intéressent peu de monde. Évidemment, quand on est un jeune chercheur, on n'a pas vraiment envie de s'engager dans cette voie. C'est par exemple dans la lèpre, maintenant, on a énormément de mal à trouver des jeunes chercheurs qui s'intéressent. Et aussi, pareil, du côté médical, on a énormément de difficultés à trouver des jeunes médecins, des jeunes infirmiers qui souhaitent s'investir sur le terrain, parfois dans des contextes compliqués, pour lutter contre ces maladies négligées. Mmh. En fait, le personnel n'est pas reconnu, voilà, quand on travaille dans les maladies tropicales négligées. Mais il y a un manque d'intérêt, Est-ce qu'il y a aussi un manque de financement, donc, dans la recherche, par effet de ricochet ? Il y a un manque, évidemment, comme il y a un désintérêt ou un manque d'intérêt, évidemment, derrière, il y aura un manque de crédit. Voilà, suffisant. Voilà. Il y a des crédits qui se développent, ce serait mentir qu'il n'y a aucune action, ce serait malhonnête, mais c'est vrai qu'il y a des crédits, il manque encore de crédits pour mettre en place des stratégies à court et à moyen terme qui permettraient d'améliorer la prise en charge des patients. Élise Ouédraogo. Je rajouterais qu'il y a également, au sein des zones où il y a ces maladies tropicales négligées, non seulement une précarité, effectivement, qui rend parfois difficile, parfois une précarité extrême, qui rend parfois difficile, effectivement, l'attraction pour des jeunes chercheurs de rester longtemps sur ces zones-là, mais également, ce sont des zones où parfois il y a des conflits, ce qui peut rendre encore plus difficile aussi le recrutement de personnel pour étudier sur ces maladies. Et effectivement, quand même, des difficultés aussi à recruter. Maintenant, il y a quand même de plus en plus, en tout cas, je parle en France, un véritable intérêt quand même pour ces pathologies. On essaye, donc, au sein de la Pitié-Salpêtrière, on a une consultation du voyage, qui certes est également pour les pathologies retour de voyage, mais également, on est à même, on essaye, en tout cas, d'apporter de l'aide parfois aux collègues qui voient ce type de patients en ville, ou également on essaye de prendre en charge ces patients. Et donc, véritablement, il y a un effort à la fois de diagnostic, de collaboration avec l'équipe de microbiologie et de formation des jeunes. Après, pour aller sur le terrain, c'est vrai qu'on rencontre des difficultés inhérentes au terrain. Alors, parfois aussi de barrières de la langue. Il faut s'aider des acteurs locaux qui peuvent nous aider à vraiment avoir une meilleure adhérence au traitement et également à favoriser un diagnostic précoce. Mais quand même, parmi en tout cas les jeunes infectiologues, je pense qu'il y a quand même un intérêt pour ces pathologies, même si effectivement, on rencontre des difficultés à recruter pour aller sur place, sur le terrain. Sur ce manque de financement dans la recherche, Philippe Solano, on pourrait se dire, penser que comme ces maladies frappent les plus pauvres, il n'y a pas de profit à se faire et que la recherche pharmaceutique traditionnelle ne s'y intéresse pas pour ça. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Ah, c'est une bonne question, mais c'est vrai que ça a été longtemps le cas. Ça a été longtemps le cas, mais je crois que là, on touche finalement aussi à la naissance de ce concept sur les maladies tropicales négligées qui faisait suite un peu à la campagne d'accès pour le VIH. Et fort heureusement, on a des compagnies pharmaceutiques, plusieurs d'entre elles, qui ont accepté donc depuis quelques années de faire des donations de médicaments. Alors ce sont des donations qui sont faites à l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, qui ensuite elle redistribue dans les pays en fonction des demandes. Donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle. On a aussi quelques bailleurs de fonds. Heureusement, pas beaucoup, mais enfin heureusement qu'il y en a. Je veux dire dans le sens où il y en a pas beaucoup, mais qui acceptent de continuer à financer finalement, au-delà des médicaments, aussi des aspects de diagnostic, de lutte contre le vecteur lorsqu'il y en a besoin, et finalement de financer la recherche pour pouvoir avoir ces outils qui permettent de lutter contre ces maladies. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire là-dessus. Pour continuer sur cette idée de financement de la recherche, est-ce que cette recherche pour ces maladies peut servir à autre chose ? Et il se trouve que les étudier, cela peut avoir aussi des implications sur la compréhension d'autres maladies. C'est le sujet du reportage du jour avec vous, Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Natacha, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes intéressé à l'une de ces recherches croisées sur l'ulcère de Borrelie. Oui, et j'ai rencontré Caroline Demangel, qui est directrice de recherche à l'Institut Pasteur, où elle dirige l'équipe immunobiologie de l'infection. Avec son équipe, Caroline Demangel travaille sur l'ulcère de Borrelie, une maladie tropicale négligée déjà évoquée précédemment dans cette émission et qui a pour particularité de ne pas provoquer de douleur. Ces ulcères ne provoquent pas de douleur. Cette absence de douleur est en partie liée à la production par la bactérie responsable de la maladie d'une toxine bien spécifique, la mycolactone. Caroline Demangel a étudié finement les effets inhibiteurs d'immunité de cette molécule et a pu montrer qu'en se servant de ces effets, on pourrait efficacement lutter contre le développement des cellules cancéreuses impliquée dans le myélome multiple. Une preuve de plus qu'il ne faut pas mettre de côté la recherche sur les maladies tropicales négligées. L'ulcère de Borrelie, c'est une maladie qui est essentiellement rapportée dans les pays des régions subtropicales et qui se manifeste par des lésions cutanées chroniques, donc des ulcères très caractéristiques, ouverts, qui sont évolutifs et qui peuvent parfois couvrir des grandes parties du corps, des membres, et devenir très impressionnants avec une grosse perte de tissu. Donc c'est une maladie qui est vraisemblablement transmise par les insectes, mais le mode de transmission n'est pas complètement compris. Et les insectes donc injecteraient dans la peau ces bactéries qui vont rester dans la peau. Elles ne survivent pas aux températures corporelles internes et elles vont se multiplier dans la peau et fabriquer donc une molécule très caractéristique de cette bactérie qui s'appelle la mycolactone et qui a des propriétés toxiques et qui vont causer donc ces ulcères, ces pertes de tissus, cette nécrose tissulaire, et également des effets qui nous ont beaucoup intrigués au départ de nos recherches sur cette bactérie, qui était du fait que ces ulcères ne généraient pas d'inflammation ni de douleur, ce qui était vraiment très très étonnant. Et donc on a pu lier ces manifestations de la maladie à des propriétés de la mycolactone. Donc cette molécule, qui est un lipide complexe, hein, qui est fabriqué par la bactérie, va diffuser dans les tissus, va diffuser dans nos cellules, et à l'intérieur de nos cellules, aller se loger dans un complexe protéique qui est à l'intérieur des cellules et qui est notre porte d'entrée du système de sécrétion. Donc chaque cellule a son petit système de sécrétion et toutes les protéines qu'elle va exporter à l'extérieur ou exposer à sa surface, hein, ancrées dans sa membrane, doivent passer par ce système de sécrétion. Et la mycolactone bloque ça. Donc les protéines qui ne peuvent plus passer par cette voie, elles vont être détruites parce qu'elles ne peuvent pas atteindre leur destination, elles sont reconnues comme telles, elles vont être détruites. N'oublions pas que la mycolactone, c'est une toxine. En identifiant sa cible, on a compris ses effets immunomodulateurs, mais on a également compris ses effets toxiques, puisque bloquer ce système de sécrétion, à long terme, c'est toxique pour la cellule. Et le mécanisme sous-jacent, c'est qu'en bloquant ce système de sécrétion, on génère un stress cellulaire. Et les cellules les plus sensibles à ce stress sont les cellules qui font beaucoup de protéines sécrétées. Et celles-là vont être beaucoup plus sensibles à l'action toxique de la mycolactone. Donc nous, ce qu'on s'est dit il y a quelques années, c'est est-ce qu'on ne peut pas utiliser justement la mycolactone comme générateur de stress et aller tuer des cellules cancéreuses qui sont très sécrétrices et qui seraient très très susceptibles à ce stress. Et c'est comme ça qu'on s'est intéressé au myélome multiple. Donc le myélome multiple, c'est un cancer des plasmocytes, sont les cellules qui sont dans la moelle osseuse et qui fabriquent les anticorps. Donc c'est des cellules qui sont des machines, des fabriques d'anticorps qui sécrètent des quantités importantes d'anticorps. Donc on a fait l'hypothèse que la mycolactone serait très toxique pour ces cellules du fait de leur fonction. Et c'est une hypothèse qui s'est vérifiée. Donc on a mis en place des tests cellulaires pour tester, donc des modèles de myélome qui sont des lignées très très utiles pour travailler en laboratoire. Mais on a également collaboré avec des cliniciens qui nous ont permis d'avoir accès à des vraies tumeurs de patients et où on a pu tester donc l'effet de la mycolactone sur ces tumeurs. Donc on a montré que la mycolactone était effectivement très toxique par elle-même sur ces cellules, du fait de leur biologie particulière, plus toxique sur elles que sur les cellules normales, c'est ça qui est important, donc une fenêtre thérapeutique, et surtout qu'elle pouvait synergiser avec les thérapies qui sont utilisées actuellement sur le myélome, qui génèrent du stress, mais par d'autres voies. Grâce à quel protocole expérimental vous avez pu obtenir ces résultats-là ? Alors, on va passer dans les zones de travaux, il y a peut-être un peu de bruit parasite. Donc en pratique, comme je vous disais, on a travaillé essentiellement sur des lignées cellulaires qui sont des outils très très pratiques pour faire des manips à un rythme soutenu. Et puis après, on les vérifie sur des véritables tumeurs donc, qui sont issues de patients et qu'on récupérait donc à l'hôpital Bichat grâce à nos collègues cliniciens. Donc en pratique, ce qu'on faisait, c'est qu'avec ces cellules, travaillait donc dans des pièces de culture. On y va. Donc vous voyez ici par exemple un poste de sécurité microbiologique qui permet de travailler sur ces cellules dans des conditions stériles. Et donc on place ces cellules dans des milieux de culture. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis ces cellules en contact avec la mycolactone qui était purifiée de nos cultures de bactéries. Et nous avons regardé les effets cytotoxiques, les effets sur les capacités de ces cellules à proliférer, à migrer, donc à travers des marqueurs de migration, de dissémination. Et puis également, nous avons fait des expériences de co-traitement avec la mycolactone et des traitements classiquement utilisés en clinique pour voir s'il y avait des synergies. Donc pour le myélome multiple, le modèle animal qui est le plus fréquemment utilisé, c'est une souris immunodéficiente dans laquelle on va greffer une tumeur humaine. Et on va traiter les souris avec nos molécules et on va donc directement visualiser dans un organisme entier l'effet des molécules sur l'évolution de la tumeur. Quelles leçons vous tirez de ce type de résultat très surprenant et qui vous emmène vers des pistes de recherche qui n'étaient pas les vôtres a priori ? L'histoire de la mycolactone, de l'ulcère de Buruli, c'est une histoire très pasteurienne. C'est pas la première dans le genre, mais ça démontre encore une fois que les microbes, c'est une source d'inspiration infinie. Ils ont évolué avec les hommes, enfin l'être humain. Ils ont appris à manipuler notre système immunitaire. Et ils sont intéressants à la fois sur le plan fondamental, mais c'est également des sources d'inspiration pour des nouvelles voies thérapeutiques. Et l'histoire va continuer. Merci Antoine Beauchon pour ce reportage. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Laurent Marsollier ? Oui, je pense que ça, c'est un très bon reportage qui montre bien qu'il faut s'intéresser un petit peu à tous les domaines de la recherche, et y compris les maladies tropicales négligées, puisque après, les conséquences peuvent être multiples, et je parle de conséquences évidemment positives. Et pour revenir à cette mycolactone, ce que fait Caroline à l'Institut Pasteur, Caroline de Mangel, nous aussi à Angers, nous avons trouvé nous avons découvert comment cette molécule était antidouleur, et actuellement, on travaille aussi pour voir si on pourrait pas utiliser cette molécule à visée antidouleur. Voilà. Donc, ça veut bien dire qu'il faut s'intéresser aux maladies tropicales négligées. Et d'ailleurs, moi, quand j'explique aux personnes mon domaine de recherche, souvent on me répond, mais tu es chercheur français, pourquoi tu t'intéresses à une maladie qui touche en Afrique? Et je réponds tout simplement que je pense que la science ne doit pas avoir frontières. Et je leur donne typiquement ces deux exemples pour leur montrer l'intérêt que l'on peut avoir à aller travailler sur ces maladies. Voilà. Philippe Solano, une réaction vous aussi à ce qu'on vient d'entendre? Oui, mais c'est vraiment très très intéressant et c'est assez exemplaire hein, finalement. Alors moi je vais vous ajouter un autre exemple pour vous dire que ce n'est pas un exemple isolé. Il se trouve alors le contexte est assez similaire, mais vous allez voir que au final c'est un cas qui est différent. Il se trouve il faut bien comprendre que ces maladies infectieuses, hein, elles ont exercé un poids sélectif très important sur les populations humaines depuis très longtemps, d'accord? Et on en parlait là, hein, de ces microbes comme source d'inspiration, mais aussi comme poids de sélection. Et il se trouve que pour la maladie du sommeil, hein, trypanosomiase humaine africaine, on a identifié une mutation dans un gène qui est très répandu en Afrique et qui en fait protège contre les formes graves de la maladie du sommeil. Il se trouve que cette même mutation, elle prédispose, et ça c'est l'envers de la médaille, au développement de maladies rénales chez des populations afro-américaines, donc des États-Unis. Donc vous voyez qu'on a quelquefois avec des résultats de recherche qui peuvent avoir des impacts à la fois super intéressants dans un cas, pour le cas de la maladie du sommeil, mais aussi finalement qui peuvent constituer quelque chose de complètement différent pour une autre maladie. Donc voilà, c'est aussi une raison de plus de continuer à faire ces recherches sur les maladies tropicales négligées. Elisa Ouedraogo, comme disait Laurent Marsollier, la science n'a pas de frontières. Penser que ces maladies ne nous concernent pas, c'est une erreur. Et puis pourquoi, pour revenir aussi sur pourquoi, hein, c'est un enjeu de santé mondiale tout ça. Eh bien, on peut prendre l'exemple de la dengue, qui est une maladie tropicale négligée également, alors que 2,5 milliards de personnes sont exposées. Par exemple, on sait que la dengue, c'est une maladie vectorielle, ça veut dire transmise par un moustique, qui est une certaine espèce de moustique, qui est donc assez endémique, en tout cas, dans les Caraïbes et en Afrique subsahélienne. Mais il se trouve que ce moustique a été vu, et ce depuis plusieurs années, en métropole. Et donc, cela implique plusieurs choses. Cela implique que cette maladie peut survenir en métropole. Donc déjà, d'un point de vue strictement même égoïste, ces maladies tropicales négligées peuvent nous concerner en métropole. Ceci est tout à fait porté également par les changements climatiques actuels qui peuvent être vecteurs également eux-mêmes d'un déplacement de ces maladies tropicales négligées que nous trouvons pour l'instant que dans les zones précaires et qui sont donc associées à des maladies de la précarité. Effectivement, la précarité favorise aggrave et à la fois la maladie et même le pronostic de ces pathologies, mais effectivement il n'y a pas de frontières. Il y a une grande circulation actuellement aérienne et également de population entre les différents pays, et donc penser que nous sommes dans un monde très cloisonné est bien sûr une erreur. Il faut plutôt penser santé globale et je donne l'exemple de la dengue, mais d'autres pathologies peuvent tout à fait rencontrer le même type d'évolution. Par rapport aux solutions, Philippe Solano, et parce qu'on arrive sur la fin de cette émission, on a de bonnes nouvelles. Le Togo vient d'éliminer 4 maladies tropicales négligées, dont la maladie du sommeil. Quelles sont les stratégies justement pour parvenir à ces bonnes nouvelles ? Oui, c'est une très bonne nouvelle et on espère qu'il y en aura d'autres bientôt. Les stratégies, c'est vraiment d'être tous ensemble. Hein. c'est simple à dire, mais c'est souvent un peu plus compliqué à réaliser. Mais je crois que il faut vraiment que les acteurs se mettent ensemble pour travailler, pour arriver à ces solutions. Je crois que si on pouvait définir peut-être 4 piliers qui sont importants à rassembler, finalement, c'est à partir des malades, hein, toujours. Ce sont d'abord les équipes de santé, les programmes nationaux de santé, qu'ils soient les équipes périphériques ou au niveau central dans les pays. C'est vraiment le premier pilier fondamental. Je crois que ensuite, c'est la recherche. La recherche a ce rôle à jouer, à la fois de bras armés pour accompagner les programmes de lutte, mais aussi pour faire de la recherche quelquefois un peu plus fondamentale, qui va finalement aider à résoudre ces problèmes. Et puis, on ne peut pas faire non plus sans les bailleurs de fonds, évidemment, qui sont le troisième pilier. Et je dirais que le quatrième, et qui permet aussi de mettre tout cela ensemble, c'est tout ce qui est les acteurs internationaux, que ce soit les institutions comme l'OMS ou d'autres, les fondations, et les sociétés privées qui fabriquent des diagnostics et des médicaments, et les ONG qui interviennent aussi auprès des populations. Et je crois que si ces conditions sont réunies, on peut vraiment arriver aux cibles, finalement, des objectifs de développement durable qui sont d'éliminer ces maladies infectieuses. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, l'OMS a déposé en 2020 une feuille de route mondiale pour la période 2021-2030. Que dit cette feuille de route ? Quels sont ses objectifs, Philippe Solano ? Alors, c'est effectivement un gros travail et je crois qu'on peut féliciter l'OMS pour ça. On va essayer chacun modestement d'y apporter notre contribution. Il y a des objectifs d'éradication, d'élimination, de contrôle, selon, si vous voulez, le degré d'avancement des connaissances dans la maladie, selon le nombre de cas, bien sûr, et selon, finalement, les possibilités d'intervention. Donc, pour vous donner juste un exemple ou deux, l'éradication, c'est vraiment l'objectif ultime. Hein. Lorsqu'on dit éradication, ça veut dire qu'il n'y a vraiment plus aucun cas de manière sûre et qu'on peut arrêter les actions. Alors, l'objectif d'éradication, il est pour deux de ces maladies. L'un, c'est le pian, et l'autre, c'est la dracunculose, qu'on appelle aussi le ver de Guinée. Mais ça a été un peu compliqué par le fait que des réservoirs animaux avaient été, en fait, un peu oubliés pour ce qui est de la dracunculose. Donc, ça a pris un peu de retard, mais je crois que les nouvelles sont quand même encourageantes. Il reste très, très, très, très peu de cas. Merci beaucoup Philippe Solano, merci Laurent Marsollier, merci Élise Ouédraogo de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Je fais place à présent à Étienne Klein pour sa chronique, le pourquoi du comment. Pourquoi le futur est-il incertain ? On attribue souvent à Emmanuel Kant cette sentence « L'intelligence d'un individu se mesure à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter ». Fin de citation. Je ne sais pas si ce qu'énonce cette phrase est exact, je ne puis même pas garantir que Kant en soit bien l'auteur, n'étant pas parvenu à trouver la référence exacte de cette citation. La voici donc doublement teintée d'incertitude, d'une part à propos de sa pertinence, d'autre part à propos de sa source. Or, pour autant que je puisse en juger, ces deux incertitudes me semblent tout à fait supportables. Dès lors, s'il est vrai que l'intelligence d'un individu se mesure à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter, en ce qui me concerne, cette quantité est au moins égale à 2 unités, ce qui pourrait commencer d'étayer l'idée selon laquelle je ne serais pas complètement stupide. Quoi qu'il en soit, et pour être enfin sérieux, je lis cette phrase comme un prétexte à parler d'incertitude, notamment de celle qui se porte sur l'avenir, sur notre avenir. Nous le savons désormais. La connaissance scientifique a ceci de paradoxal qu'elle ouvre des options tout en produisant de l'incertitude. Mais une incertitude de type très spécial. Nous ne pouvons pas savoir, grâce à nos seules connaissances scientifiques, ce que nous devons faire des possibilités qu'elles nous donnent. Par exemple, nos connaissances en biologie nous permettent de savoir comment fabriquer des OGM, mais elles ne nous disent pas si nous devons ou non le faire. Depuis que l'idée de progrès s'est problématisée, cela devient affaire de valeurs qui s'affrontent, et non plus de principes, que ceci soit éthique ou normatif. Or, les valeurs sont en général moins universelles que les principes. En effet, la valeur d'une valeur dépend de ses évaluateurs. Tout cela fait que plus les principes reculent, plus les valeurs tendent à s'exhiber et à se combattre, ce qui engendre à la fois une certaine confusion et une certaine indétermination. C'est pourquoi les décisions en ces matières sont devenues si difficiles à prendre. Elles le sont d'autant plus que nous avons compris de surcroît que nous ne pouvons pas connaître à l'avance toutes les conséquences de nos actes. L'homme sait assez souvent ce qu'il fait, avertissait Paul Valéry, mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. D'où une sorte de réflexe collectif qui nous conduit désormais à valoriser l'incertitude comme défiance à l'égard de ce que l'on sait et aussi à l'égard de ce que l'on fait. D'autant que notre rapport au progrès a changé. On en parle désormais comme on parle du Tour de France. On dit « le progrès, c'était mieux avant », comme on dit « le Tour de France, c'était mieux avant ». Sauf que s'agissant du progrès, la phrase est auto-contradictoire. Car si progrès il y a eu, cela ne devrait pas pouvoir avoir été mieux avant. L'idée de progrès était une idée qui faisait aimer le temps historique. Elle était doublement consolante et sacrificielle, comme l'a écrit Kant, et cette fois je suis sûr que la phrase est bien de lui. Consolante parce qu'en fondant l'espoir d'une amélioration future des conditions de vie, elle rendait l'histoire humainement supportable. En faisant miroiter loin sur la ligne du temps une uchronie crédible et attractive, elle invitait à se retrousser les manches, et surtout, elle donnait l'envie d'avancer ensemble. Et elle était également consolante par le fait qu'elle donnait un sens au sacrifice qu'elle imposait. Au nom d'une certaine idée de l'avenir, le genre humain était sommé de travailler à un progrès dont l'individu ne ferait pas lui-même l'expérience, puisqu'il n'était qu'un petit maillon de l'interminable lignée des générations. En somme, croire au progrès, c'était accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. En sommes-nous encore là? Pas sûr. Nous avons perdu en profondeur temporelle, le présent est désormais sans épaisseur, nos rattachements sont plus horizontaux, plus fluides, plus réversibles. Du coup, le futur s'absente progressivement du présent, comme si nous avions répudié l'avenir comme promesse. Il faudrait donc reconstruire un horizon. Un horizon pour 2050, par exemple, ce serait un bon début. Mais comment faire? Comment est-ce que cela se construit un horizon? Avec quel genre de truelle? C'est une question qui nous invite tous à nous penser en maçon. Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Cette émission, ce podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi. Bonjour, je m'appelle Boris. Je suis expert solutions énergétiques EDF pour les entreprises. En ce moment, beaucoup de clients me demandent comment réduire l'empreinte CO2 de leur entreprise. Ils savent que c'est important pour la planète et leurs factures. Ils veulent passer à l'action. Alors avec notre offre Décarbone, nous programmons ensemble une visite qui les éclaire sur leur impact CO2 et je leur propose des solutions adaptées à leur entreprise. Mieux pour le climat, mieux pour la facture. EDF. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.